نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous entamons ce cours qui s'intitule Min asbab al-adawati wal-baghda, c'est-à-dire parmi les causes de al-adawa, qui est l'animosité, le fait de prendre son prochain comme ennemi. Wal-barda, c'est le détestement, de se détester, de détester son prochain. Et ce sont des maladies et des choses qui existent et qui se sont propagées au sein de la communauté. Et nous allons voir, Inch'Allah, et ça c'est un cours qui est pris d'un article dans la revue qui s'appelle Al-Islah, qui nous vient d'Alger, hein, qui est supervisée, et aussi beaucoup d'articles sont écrits par les chiouchs d'Alger et bien d'autres. Walillahi alhamd. Et il nous dit فَإِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ لِلنَّاسِ حَالٌ فِي دُنْيَاهُمْ وَمَآلِهِمْ إِلَّا بِالْإِتِّفَاقِ وَالْإِتِلَافِ. Les gens ne seront bien, ne seront droits dans leur bas monde, en cette vie d'ici bas, que lorsque ils seront d'accord et unis. C'est avec l'accord et l'union que ils iront bien. Et qu'ils se sont éloignés, qu'ils se sont abstenus de toute forme de discorde et de divergence. Et qu'ils ont délaissé tout ce qui pourrait amener au détestement et à l'éloignement des uns les autres. Pourquoi ? Parce que les conséquences, ce à quoi amène le détestement, l'animosité, ce ne sont que des conséquences qui sont mauvaises, des résultats dont on n'aimerait pas voir. Et ceci empêche la descente du bien. Et il lève la bénédiction. Et on hérite de ce grand mal, hein, que le mal lui en lui-même. Et la coupure, le manque de lien entre les musulmans. Et cela amène, hein, à se combattre et à être les ennemis les uns des autres. Et concernant ce détestement, cette animosité, elle est due à certaines causes, à beaucoup de causes, qui enlèvent la clarté et la bonté des cœurs et qui met à la place de la jalousie et de la rancœur. Et parmi ces causes, et donc l'auteur de l'article il va nous ramener, il va nous énumérer certaines causes, point par point. Et on comprendra par là que le résultat dans lequel parfois on se retrouve n'est pas dû au hasard, mais il est bien dû, après étude, à des causes bien précises. Awalan, premièrement, Irwa ou Shaytan, le diable, Satan, le lapidé, il y est pour beaucoup. Et c'est ce qu'il cherche à faire. Satan n'est pas heureux de voir les gens unis sur la droiture, de les voir unis dans le vrai, dans l'obéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il cherche tout moyen qui pourrait amener l'animosité, le détestement, la séparation, la coupure entre les musulmans. فعن جابر يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم في صحيحه. Donc dans ce hadith rapporté par Muslim dans son authentique, d'après le compagnon Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu qui dit, le messager a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, Satan, le diable, a désespéré, ne pense plus qu'il sera adoré par ceux qui accomplissent la prière, par les musulmans croyants dans la péninsule arabique, mais c'est en alimentant les problèmes entre eux. Donc lui, il est conscient que dans la péninsule arabique, elle est devenue musulmane et que les gens musulmans, croyants, ne l'adoreront plus. Donc il n'attend plus de cela. Il désespère en cela. Mais il a trouvé un autre moyen de les occuper, c'est en mettant les problèmes entre eux. En mettant ce qui fera naître la coupure, la séparation entre eux, le détestement, l'animosité. هذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. Ce hadith a été cité par le prophète صلى الله عليه وسلم lors du pèlerinage d'adieu, c'est-à-dire un peu avant la mort du prophète صلى الله عليه وسلم. Et pendant le pèlerinage d'adieu, sur le mont de Arafat, c'est là où le prophète صلى الله عليه وسلم a reçu اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et je vous ai comblé de mes bienfaits et j'agrée l'islam pour vous en tant que religion. Donc c'était à la fin de la mission du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est mort alayhi salatu wassalam quelques mois plus tard après être entré dans Médine. Wa qawluhu al-musallun ishara ila anna ahla as-salati hum alladhina la takunu fihim ibadatu ash-shaytan. Et dans la parole du prophète sallam al-musallun, ceux qui prient. Le prophète alayhi salatu wassalam a précisé le mot en parlant des musulmans, des croyants, ceux qui accomplissent la prière. Prouve cette précision, elle prouve quoi? Que ceux qui accomplissent la prière, c'est eux qui n'ont pas, il n'y a pas en leur sein, l'adoration de Shaytan. فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Car la prière, elle interdit toute turpitude ou tout mal, ou tout péché. وَأَعْظَمُ الْمُنْكَرِ الذي تنهى عنه الصلاه تنهى عنه الصلاه هو الشرك بالله جل وعلا. Et le plus grand mal, le plus grand blâmable dont la prière interdit, c'est l'association à Allah, c'est le polythéisme majeur à Allah azza wa jal, car il n'y a pas un mal plus grand que le polythéisme. C'est pour cela que le prêche des prophètes, alayhim as-salatu wassalam, la première des choses à laquelle ils mettent en garde, ils avertissent leur peuple c'est de s'éloigner de toute forme de polythéisme. Et le plus grand bien, c'est le monothéisme. De faire preuve d'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. De n'adorer que lui seul sans rien lui associer. Ça, c'est le plus grand bien. Et la première des choses à laquelle tous les prophètes d'Allah ont appelé ou invité leur peuple. Rien ne passe avant cette base et ce fondement qui est même la clé de l'islam et qui est même la signification de la ilaha illallah. La ilaha illallah, nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Car des adorés en dehors d'Allah, ils sont multiples. On ne peut les dénombrer. Il y en a qui adorent la pierre, qui adorent les astres, qui adorent le soleil, qui adorent la lune, qui adorent les arbres, l'eau, qui adorent la femme, qui adorent la passion, qui adorent des statues. Des adorés en dehors d'Allah sont innombrables. Et de fait qu'ils soient adorés, ils deviennent par là des divinités. Mais ce ne sont que des divinités fausses. Et la véritable divinité qui mérite d'être adorée, c'est le Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Ceci parce qu'Allah est le véridique. Et tout ce qu'ils adorent ou tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que le faux. Et qu'Allah, il est l'élevé et il est le grand. Subhanahu wa ta'ala. فيكون الشيطان بذلك قد أيس أن يعبده من قام الصلاة على حقيقتها. Et donc de ce fait, face aux musulmans qui appliquent la prière comme elle lui a été demandée, il applique la prière convenablement, face à cette personne, le diable a désespéré. Il sait que cette personne n'en arrivera pas à l'adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. والتحريش, le fait d'allumer le feu entre les gens, de mettre la discorde entre les gens, قد فسر بعدة معاني متقاربة. Ce terme a été expliqué par beaucoup d'autres termes, mais qui se rapprochent. فقيل, il a été dit, الحمل على الفتن والحروب. التحريش, c'est-à-dire qu'il a été expliqué par le fait de pousser aux discordes, al-fitan, et aux guerres entre les personnes de la même communauté. وقيل الإغراء وتغيير القلوب والتقاطع. Et il a été dit aussi, c'est de changer l'état des cœurs. Les cœurs ne sont plus purs comme ils l'étaient. Et il n'y a plus cette pureté entre les gens. Et at-taqatu', c'est la coupure des liens qu'il y a entre les gens. Wa qila al-ifsad. Et là, il dit, c'est la corruption. Qui est la corruption entre eux, entre les gens. Les cœurs deviennent corrompus. Inna hadha at-tahrish qad yuqi'uhu ash-shaytan bayna ahli as-salah. Et cette discorde, ou ce mouvement venant de Shaitan pour alimenter le mal et la discorde entre les gens, Shaitan, il lui arrive de le faire entre les gens qui appliquent la prière, entre les gens qui pratiquent la salat. بحزازات حزبية, soit par des idées partisanes. أو خلافات فكرية, ou par des divergences de pensée. Ou furuqin tabaqiyya, ou alors à cause de la place, des places que, je ne vais pas dire le mot caste, à tabaqiyya, c'est les castes. Les castes, c'est dans une population, eh ben, il y a telle catégorie de gens, telle catégorie de gens, eux c'est les nobles, eux c'est les gens moyens, eux ce sont les bourgeois, eux ce sont les pauvres, et donc il y a des castes entre les gens. Et dans certains peuples, et ça a beaucoup de valeur chez eux. Et donc quelqu'un qui est de plus basse caste, il ne peut pas se mélanger ou se marier avec la caste qui est au-dessus. Donc il l'alimente aussi par ces points-là, par ces moyens-là. ou alors les origines et les races. Quelqu'un qui pense que sa race elle est meilleure que l'autre race. Et de là est né le racisme. Et tout ceci, tout ce qu'on vient de voir là, c'est contraire à l'islam. L'islam est venu pour mettre un terme à ces points-là. Ou ansouriya, c'est la même chose, c'est le racisme. Wa qad yuqi'uhum fi dhalika بسبب حواجز وهمية أو أحقاد متوارثة تاريخية. Et parfois par des causes qui sont futiles, qui sont c'est dans du monde de l'imaginaire. C'est on a pensé qu'un tel a fait ou a dit, alors qu'en fait il n'y a aucune réalité de cette chose-là. Et de là est née cette discorde et ce mal. Ou alors pour des problèmes historiques qu'on a hérité. Hein, c'est des gens, oui, tu te rappelles, à l'époque de notre grand-père, il s'était passé ça, et bien eux, ce sont les descendants de cet homme-là, c'est sa famille qui nous a fait, et voilà, et c'est interminable. Pourquoi ? Pour un problème historique, et les gens, ils en reparlent, et ils alimentent la chose. Ou bimujarrad ikhtilafat jughrafiyya. Ou alors, c'est pour des différents géographiques. Parce que je ne suis pas du même lieu que toi. Et ça, ça cause des problèmes. Laysa li ahadin fi ikhtiyar. Alors qu'à la base, que tu sois de telle région ou de tel pays, et l'autre il sera de tel ou tel pays, personne ne l'a voulu. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a fait que tu es né dans tel pays, dans telle ville, dans telle famille. C'est pas toi. Toi, tu n'as pas fait. On t'a pas demandé ton choix. Et donc, les gens en font des problèmes. فيجري على ألسنة المخدوعين به عبارات الاستثقال والاحتقار لأهل بلدة. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui se font avoir par ces pensées-là et qui pensent que d'être de telle région, de tel pays, c'est meilleur que d'être de telle région, de tel pays. Et ils pensent être sur le vrai. Et alors lorsqu'ils entendent quelqu'un être de tel ou tel endroit, hein, et ben pour eux c'est lourd à accepter. Comme si c'était très mauvais de venir de tel pays ou de telle région. Et aussi ils en arrivent à avoir du mépris. Et même parfois dans le même pays. Parce que dans un pays il y a plusieurs régions. Les gens du nord, les gens du sud, les gens de l'est, les gens de l'ouest. كأن يسخر مثلا من أهل الجنوب في بلد ما أو سكان الشمال في أرض ما. Hein, c'est comme par exemple, ils se moqueraient des gens du sud du pays ou alors des habitants du nord dans une autre terre. كما قد يغري أهل الشرق بالتكبر على أهل الغرب. Et cela parfois même amène les habitants de l'est à s'enorgueillir et à s'élever par rapport aux gens de l'Ouest, ou l'axe, ou le contraire. فتنطلق على ألسنة بعضهم عبارات جاهلية نتنة. Et né de cela que certaines personnes qui tombent là-dedans, ils en arrivent à parler un langage qui est mauvais. Sort de leur bouche, de leur langue, des paroles non convenables. كما في قوله صلى الله عليه وسلم لمن كاد أن يفتنوا بالتحرشات الجاهلية ما بال دعوة الجاهلية دعوها فإنها ممكنة رواه البخاري ومسلم. Comme on le voit dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم rapporté dans le Bukhari et Muslim dans leurs deux authentiques, dans laquelle le prophète sallam dit à ceux qui ont failli tomber dans cela et dans des propos qui font partie de l'époque de Jahiliya, de l'époque pré-islamique, comment se fait-il qu'on vienne à entendre les propos de Jahiliya? Délaissez-la, délaissez ce genre de propos. Car ce genre de propos, il a dit « muntina », c'est-à-dire « ça sent mauvais ». Et ici, c'est dans le sens que c'est quelque chose d'abominable, quelque chose de mal. يقصد بذلك صلى الله عليه وسلم التعالي بالأحساب والأنساب. Et ici, il a voulu, alayhi salatu wa salam, par cette parole, ceux qui s'enfleraient ou se gonfleraient de par leurs origines. Hein, moi, je suis de telle famille, ou alors, je suis de telle notoriété. وَالتَّمَيُّزْ بِالْأَسْمَاءِ وَالْأَلْقَابِ Ou alors, parce qu'ils se distinguent par tel surnom ou tel mot. Et ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu deux jeunes qui se sont disputés, qui se sont querellés. Un faisait partie de l'Ansar et l'autre faisait partie de Al-Muhajirin. Arrivé à un stade, chacun a appelé ses proches. Un jeune a dit Ya l'Ansar et l'autre a dit Ya l'Muhajirin. Un il a appelé le Muhajirin et l'autre il a appelé Al-Ansar. Et c'est normal, c'est à peu près naturel et humain que les gens, lorsque quelqu'un de chez eux vient les interpeller, qu'ils viennent. Donc ils ont accouru à cet appel. Et il y a failli y avoir une discorde entre eux. Et c'est là où le prophète Hassan est intervenu. Et il leur a dit, délaissez ce genre de choses, ça fait partie de l'jahiliya. Que chacun appelle ses siens pour ces choses-là. Et ça, on le retrouve dans nos mosquées. Les Algériens, les Marocains, les Turcs, les Africains, les Asiatiques. Puis, lorsqu'ils sont du même pays, hein, les gens de l'Est, les gens de l'Orient, de l'Ouest, les gens du Nord, les gens du Sud. Et quand ils sont de la même ville, les gens de tel quartier, les gens de tel quartier. Et ça, et même en France, les gens qui ont grandi en France, il y en a certains, on entend des fois certains propos qui vont dans ce sens-là. Wal'iyadu billah. Et certains pensent vraiment qu'ils sont sur quelque chose, alors qu'à la base, lorsqu'on regarde, c'est que du faux. C'est Shaitan qui nous fait croire. On pense que les gens de Marseille sont les meilleurs, parce que je suis Marseillais. On pense que les gens de Lyon, c'est nous qui avons précédé tout le monde. Voilà. Ou alors les gens de Paris, ou les gens du Nord. Non. Il n'y a pas de terre sacrée ici. Hein. Terre sacrée, elle est à la Mecque, et c'est Médine. C'est pas ici. Le Maroc, c'est pas sacré. L'Algérie, c'est pas sacré. La Tunisie, c'est pas sacré. Il n'y a que deux territoires sacrés dans cette terre. C'est la Mecque et Médine. Subhanallah. Le fait d'aimer son endroit dans lequel tu as grandi, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait hada min al-fitra, de la saine nature. J'aime l'endroit dans lequel j'ai grandi, où j'ai passé mon enfance. C'est tout à fait naturel. Il n'y a pas de mal en cela. C'est quelque chose de naturel. J'aime mon pays d'origine, c'est naturel. J'aime la famille de mes parents, c'est tout à fait naturel. Mais ça ne fait pas la chose, ça ne rend pas la chose sacrée. Et ça, souvent, et même sans faire exprès, sans y prêter attention, on trouve dedans. Et parfois, à cause de ce genre de propos, ça amène la discorde, ça amène l'animosité, et ça ramène des blessures. On blesse des gens. Ouais, mais chez vous, ça, subhanallah. Et ça, c'est des choses, plus ou moins, on tombe dedans. Et ce n'est pas quelque chose de convenable. Donc, il faut bien réfléchir avant de parler. Et savoir la tournure et les conséquences de nos propos. À part la Mecque et Médine, une terre ou un pays ou une ville, on peut dire qu'elle est mieux qu'un autre endroit que par les gens qui l'habitent. Et non pas en tant que terre, par les gens qui l'habitent. Il se peut qu'au jour d'aujourd'hui, une ville, elle est connue pour être habitée par des gens de bien, par des gens de droiture, par des gens qui appliquent la sunna. Donc on va dire, au jour d'aujourd'hui, c'est l'endroit. Mais il se peut dans 100 ans, ça change. C'est un autre endroit qui soit meilleur. C'est une histoire. Ça, c'est seulement, c'est périodique. C'est une période. Il y a une période où telle ville, où tel endroit, elle a été connue pour être un endroit de lumière. Et à un autre moment, ce n'est plus la même chose. À part la ville de la Mecque et la ville de Médine, et aussi les bienfaits de l'Quds. Et où les terres, où le prophète a parlé en elle en tant qu'endroit de bien. Sinon, en dehors de cela, personne n'est en droit de dire « mon endroit est meilleur que ton endroit ». Et c'est pour cela que, pour l'adoration, préparer ses bagages et aller voyager, tu n'as le droit de le faire que vers trois endroits. La mosquée sacrée de la Mecque, la mosquée du prophète alayhi salatu wa salam à Médine, et la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, fil Quds. autre endroit, il n'y a pas, contrairement aux soufis, qui eux prétendent qu'il y a des endroits sacrés qu'ils ont inventés eux-mêmes, et qu'ils ont remplis de shirk et de polythéisme, et pas que du petit, mais en général du grand polythéisme qui fait sortir de l'islam, et ils ont fait de leurs endroits des lieux sacrés, et parfois même ils disent interdits d'entrer aux mécréants, en oubliant qu'eux-mêmes ils sont en contradiction avec la ilaha illallah, qui sont en contradiction avec Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple au Sénégal, à Touba. Touba c'est une ville où ils ont fait une mosquée où il y a la tombe de Ahmadou Bamba, et ils en ont fait un lieu sacré interdit aux mécréants, et voilà, et ils font le pèlerinage là-bas, et parmi eux il y en a même qui vont jusqu'à dire que celui qui a fait le pèlerinage à Touba, eh ben le pèlerinage de la Mecque ne lui est plus obligatoire. Wal'iyazu billah. Bon, Allahu musta'an. Jamais on a un texte pour dire que tel territoire il est sacré, il nous faut un texte. C'est le texte du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le préciseront. Personne. Ça c'est une chose. Deuxièmement, tu es d'un endroit qui est bien. Ça ne veut pas dire que toi, tu es quelqu'un de bien. Subhanallah. Et l'endroit il est mauvais, ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais. Subhanallah. Et ce qui te rend quelqu'un, ce qui t'élève, ce sont tes œuvres. Et c'est pour ça que Salman al-Farisi, Salman le Persan, a dit sa belle parole, Inna al-arda la tuqaddisu ahada. La terre, elle ne rend sacré personne. Walakin amalu. C'est ses actes. C'est ça qui t'élèvera. Donc, il n'y a pas lieu. On peut parler de nos origines, on peut parler de quelle tribu on est, de quelle famille on est, on peut parler de quel endroit on est, alhamdoulilah, d'aimer son endroit, c'est tout à fait quelque chose de naturel. Qu'on soit musulman ou pas, ça c'est en nous-mêmes, on l'a. Et ce n'est pas un mal. Même pour un musulman, il ne faut pas qu'il pense que le fait d'avoir aimé l'endroit dans lequel tu as grandi ou tu es né, non, non, il n'y a aucun mal. C'est quelque chose de permis. Tant que ça ne devient pas de l'exagération là-dessus. On ne vient pas à vénérer. Mais tant que c'est un amour propre, c'est tout à fait naturel d'aimer son endroit, d'aimer son pays, d'aimer sa ville, c'est tout à fait naturel. Il n'y a pas de mal en cela. Et donc, il n'y a pas lieu. Nous, les Algériens, on est mieux que les Marocains. Ou nous, les Marocains, on est mieux que les Algériens. Ou nous, les gens de Oujda, on est mieux que les gens de Gaza. Et vice-versa. C'est à titre d'exemple que je vous ramène ça. Je vous ramène des endroits à titre d'exemple pour ne pas citer toute la terre. Ça ne sert à rien. C'est faux. Et si il y a eu des problèmes, où il y a eu des guerres, où il y a eu des batailles, ces choses-là, c'était un mal. Et c'est Shaitan qui a participé à cela. Donc nous, on n'est pas là pour dire, oui, mais vous nous avez attaqué en telle année. Tayyib, Shaitan, il a eu raison sur les gens. Les gens sont tombés dans ce piège-là. Est-ce que ça veut dire que nous, on doit tomber dans le même piège? Wal'iyadu billah. Al-Ansar, ils étaient deux tribus. Al-Médine. Al-Aus ou Al-Khazraj. Al-Aus ou Al-Khazraj. Ils étaient toujours en conflit et des batailles. Et il y avait les juifs qui habitaient à Médine. Et les juifs n'ont habité à Médine, d'après les historiens, que parce qu'ils savaient, d'après les écritures saintes, que c'était l'endroit où allait émigrer le dernier prophète. Subhanallah. Ils le savaient. Puisque il était écrit la venue du dernier prophète. Allah dit dans le Coran, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ. Ceux à qui on a donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs propres enfants. Ils reconnaissent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En voyant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont reconnu le dernier prophète. Et vous connaissez dans Sirah al-Nabawiyya, dans la biographie et la vie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était jeune et que son oncle, il était encore enfant, il avait à peu près 12 ans, et que son oncle Abu Talib l'a emmené avec lui pour aller faire du commerce chez Sham au Proche-Orient, et il y a ce moine Bahira, quand il l'a vu, il a dit, il y a quelqu'un avec vous, il a les signes de la prophétie, ne l'emmenez pas avec vous au Proche-Orient, si les juifs ils le voient, ils peuvent lui faire du mal. Subhanallah. Salman al-Farisi, pourquoi il est venu à Médine? Salman al-Farisi, je ne vais pas m'attarder dessus, mais mashallah, sa recherche et sa quête de la vérité, c'est une très belle histoire. C'est lui-même qui l'a raconté aux compagnons. Et parfois on lui demandait, raconte-nous comment tu as connu l'islam. Et c'est quelqu'un qui a vécu très très très longtemps, Salman al-Farisi. Il était Perse, c'est les Iraniens d'aujourd'hui. Hein, c'est leur race, ce sont les Perses. Et lui, d'origine perse, on l'appelle Al-Falisi, min Bilad Fals. Et son père était un des responsables pour garder le feu. Parce que eux, c'est les mages, les adorateurs du feu, qu'on les appelle aussi les Zoroastriens. On appelle ça en arabe El-Majous. Et ils adorent le feu. Et le feu ne doit jamais s'éteindre. Donc ils mettent des gardiens pour préserver ce feu. Et son père, c'était un des responsables. Al-Mu'in, un jour son père, il l'a envoyé pour une mission, un travail. Il a vu qu'il y avait un monastère, il entendait les prières dans ce monastère. Ça, c'était avant l'islam. Et il a été attiré, il est rentré. Et il a aimé ce que faisaient les chrétiens et il s'est converti avec eux. Son père, il a pris la chose, il l'a attrapé, il l'a enchaîné. Un jour, il a entendu qu'il y a une caravane qui va quitter les lieux et qui va aller en Palestine. En Palestine, à Terre Bénie. Et il a réussi à se sauver et à quitter la Perse et à partir avec la caravane jusqu'à qu'il arrivait fi Beit al-Maqdis, à Jérusalem. Et là, il est resté avec le grand responsable religieux chrétien. Al-Mu'in, c'était quelqu'un de très mauvais. Il prenait toutes les richesses des gens et les gens pensaient qu'il donnait, faisait des dons pour que ça soit distribué aux ayants droit. En vérité, il était en train de remplir les coffres. Et quand il est mort, ils ont voulu lui faire des grandes funérailles. Et lui, il est venu, il leur a dit non, j'étais avec lui. J'étais avec lui, j'étais tout le temps avec lui. Et c'est quelqu'un de très mauvais, je vais vous le prouver. Il les a ramenés dans la pièce où il y avait les coffres fermés, remplis d'or et remplis de bijoux. Donc, et là, ils ont compris que c'est quelqu'un de mauvais. Salman dit, celui qui l'a succédé, c'était quelqu'un de bien et de pieux. Et il est resté avec lui. Le Mohim, il est resté avec lui, il apprenait de lui. Puis, à la mort venue, il lui dit, « Oh, un tel, vers qui tu me diriges ?» Et il lui a dit, « Va vers un tel. » C'est celui qui est encore sur la droiture. Puis, il a fait ça plusieurs fois. À chaque fois, il est resté, jusqu'à que ce responsable religieux ou ce prêtre, il allait mourir, il lui disait, « Va vers un tel. » Jusqu'à, au dernier, donc il était entre la Palestine, la Syrie, l'Irak, toute cette région-là, il a fait ses voyages. Puis, le dernier lui a dit, il n'y a plus personne sur le même chemin, mais va vers la péninsule arabique, car là-bas sortira le dernier prophète. C'était écrit, il le savait. Et il lui a donné la description de Yathrib, qui est l'ancien nom de Médine, avec les palmeraies, et ainsi de suite. Donc, puis, il a vu une caravane arabe qui allait retourner en Arabie. Il est venu, il les a payés, et il leur a dit, je veux vous m'emmener en Arabie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont trahi. Ils l'ont enchaîné et ils en ont fait un esclave. Radiallahu anhu. Et puis, ils l'ont vendu à un juif. Mais dans un mal, c'est un bien qu'il y a. Allah tabaraka wa ta'ala lui a fait subir cela. Mais sans se fatiguer, Salman al-Farisi va se retrouver à Médine. Subhanallah. Il n'aura pas besoin de chercher. Il va se retrouver où? À Médine. Parce que le juif qui va le prendre comme esclave, c'est quelqu'un qui habite à Médine. Et Salman dit même, j'étais sur le palmier en train d'enlever les dattes et j'entends un proche de ce juif qui était son maître venir lui dire, le prophète des Arabes, des illettrés, et il est en train d'immigrer de la Mecque vers Médine. Salman a dit, tellement que j'étais pris de joie et j'ai failli tomber de l'arbre. Failli tomber de l'arbre tellement qu'il était pris de joie. Et le dernier prêtre qui lui a dit d'aller en Arabie, il lui avait dit, cet homme, il accepte les cadeaux, mais il n'accepte pas l'aumône. Il mange du cadeau qu'on lui donne, mais il ne mange pas de l'aumône. Parce que l'aumône est interdit pour le prophète, ainsi que pour la famille du prophète. Et sur son dos, à hauteur de l'omoplate, il y a le sceau de la prophétie. C'est des morceaux de chair rassemblés de la taille d'un œuf d'un pigeon. Hein, rassemblés et avec quelques poils dessus. Et c'est le sceau de la prophétie qu'il avait derrière. Et Salman, donc il attend un soir, il prend un panier, il met des dattes et il va voir le prophète Salman. Et il lui dit, c'est un cadeau. Et il regarde. Et il voit le prophète Salman manger des dattes et en donner à ses compagnons. Il dit, voilà déjà un signe. Un autre soir, il a encore réuni des dattes, il revient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui présente et lui dit c'est une aumône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend le panier et il le donne à ses compagnons et il leur dit mangez-vous. Mais lui n'en mange pas. Et il a dit voilà un deuxième signe. Et un autre jour, il s'est dit aujourd'hui il faut que je voie le sceau de la prophétie. Et il arrive et il trouve les musulmans en train d'enterrer un des leurs. Felbaqiya, le cimetière qui était juste à côté, qui est juste à côté de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On l'appelait le Baqiya al-Ramqad. Pourquoi ? Parce que c'est un endroit où il y avait des tombes et où il y avait aussi l'Arqad. L'Arqad, c'est l'arbre des Juifs. L'arbre des Juifs. Donc le Baqiya, avant, il s'appelait Baqiya al-Ramqad. Et c'est devenu le cimetière des musulmans. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, ils sont en train d'enterrer un des leurs. Et Salman, il vient et il tourne autour du prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que cet homme voulait voir le sceau de la prophétie. Et il lui a dit, c'est le sceau de la prophétie que tu veux voir. Il lui dit oui. Et il baisse son vêtement et pris de joie, il saute sur le dos du prophète et il l'embrasse. Radiallahu ta'ala anhu. Pour dire, déjà, ils le savaient. Ils avaient dans leurs écrits. Rabb al-alamin, subhanahu wa ta'ala, nous parle de Isa alayhi salam, qu'il a bien annoncé aux enfants d'Israël la venue du dernier prophète. Allah nous dit dans le Coran, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum, musaddiqan lima bayna yadayya min at-Tawrah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di, ismuhu Ahmed. Et Jésus, fils de Marie, a dit aux enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah vers vous tous, vers vous, confirmant ce qui a été révélé comme Torah, et vous annonçant la venue d'un prophète qui vient après moi qui s'appelle Ahmed. Et Ahmed, ça a le même sens que Mohammed, c'est la même racine. Et c'est un des noms du prophète, alayhi salatu wa salam. Tayyib. Thaniyan al-bid'a. Une des causes de la coupure des liens et des problèmes qu'il y a dans la communauté qui amènent l'animosité et qui amènent le détestement, c'est l'innovation. Et il est voulu, quand on parle de bid'a, dans le domaine religieux, pas dans le domaine mondain. Les ulama nous disent Al-aslu fil ibadat at-tahrim illa linas. والأصل في الأشياء الإباحة إلا لنص. À la base, dans les adorations, dans le domaine cultuel, c'est l'interdiction. Tu n'as pas le droit de faire une adoration. Tu n'as pas le droit d'accomplir un culte, sauf si tu as un texte qui te le demande. Tu ne fais en adoration que ce qu'on te demande de faire. Et tu ne ramènes rien de toi-même. Ça, c'est à la base. Et dans le domaine mondain, dans les choses de la vie d'ici-bas, à la base, c'est l'autorisation. Sauf ce qui est interdit par les textes. Un texte vient te l'interdire. Et les gens, du fait qu'ils ne comprennent pas, ou ignorent, ou font semblant d'ignorer ces règles de base, eh bien, vous les voyez perdus dans la nature. Quelqu'un, tu lui dis, tu n'as pas le droit de faire tel acte d'adoration. Et il te répond, ramène-moi un dalil qui me dit que je n'ai pas le droit de le faire. Subhanallah. C'est à toi de ramener un dalil qui dit qu'il faut le faire. Parce qu'à la base, tu n'as pas le droit de faire. Et si tu accomplis, c'est que tu as trouvé une preuve qui te le demande de le faire. Si tu n'as pas trouvé de preuve, tu n'as pas à le faire. Alors que dans les choses mondaines, c'est tout le contraire. Celui qui dit ça, c'est interdit, c'est à lui de le prouver que c'est interdit. Parce qu'à la base, c'est autorisé. Et c'est pour cela qu'il y en a, ils sont tellement perdus, et ça prouve encore comme quoi ils sont bien dans l'ignorance, comme par exemple Jama'at al-Tablir, parce que c'est souvent eux qu'on entend chez eux ce genre de propos, qui disent, on va interdire la fourchette, on va interdire de prendre l'avion, on va interdire de prendre le bateau. Subhanallah. Tellement on leur interdit des choses dans le domaine religieux, ils te rentrent dans un domaine mondain. Subhanallah. Ils ne font même pas la distinction. Wal-ibadatu, comme dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmahullahu ta'ala, ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. C'est un terme général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les paroles et parmi les actes intérieurs et extérieurs. إن صاحب البدعة ينتصر لبدعته. Celui qui commet une innovation vient à aider ou à secourir son innovation. وهي سبب تفرق الأمة أحزابا وشيعا. Et c'est la cause de la division, de la scission dans la communauté en plusieurs parties et en plusieurs sectes et factions. Et un point important à retenir. La sunna, elle n'est pas liée à la division ou à la scission. La sunna, elle est liée au groupe. Et c'est pour ça qu'on dit « Ahlus sunnati » ou « Al-jama'a ». C'est lié. Et de l'autre côté, on dit « Ahlul bid'ati » ou « Al-furqa ». La division n'est née qu'à cause de l'innovation. Elle est la conséquence de l'innovation. L'innovateur, c'est lui qui est la cause de la scission et non pas celui qui suit la sunna. Parce que les gens, ils se mettent d'accord dans des bid'ah, dans des innovations. Quand le sunnite vient les voir pour leur dire « ça, ce n'est pas bien, c'est une innovation », ils disent « toi, tu viens pour nous diviser ». Subhanallah, on inverse les rôles. La division, c'est vous qui en êtes la cause. Parce que si vous n'avez pas fait d'innovation, on serait tous unis. Donc ce n'est pas celui qui suit les prédécesseurs, qui suit As-Salaf As-Salih, qui se dit « moi je suis les trois premières générations vantées et dont les éloges ont été faits par le prophète Mohammed à leur rencontre, et qui était l'islam authentique, pur, comme il fut révélé au prophète Mohammed », ce n'est pas cette personne qui est la cause de la division. La division n'en est la cause que celui qui a innové, celui qui a changé la religion d'Allah, celui qui a rajouté, celui qui a enlevé de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car le prophète Mohammed n'a quitté ce monde que lorsque l'islam était parfait. Et il a été complété. Et on a vu le verset tout à l'heure du prophète, le verset qui a été révélé au prophète, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum. J'ai parachevé pour vous votre religion. Et c'est pour cela que l'imam Malik, rahimahullah, a dit une parole qui est une règle d'or. Il dit, فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَ إِذِنْ دِينَ لَا يَكُنُ الْيَوْمَ دِينَ. Et ce qui n'était pas une religion à cette époque, à l'époque du prophète, à l'époque des sahaba, radiallahu ta'ala anhum, ne sera pas une religion aujourd'hui. La religion, c'est celle qui était à l'époque du prophète et des compagnons. Si ce n'était pas à l'époque du prophète et des compagnons, ce n'est pas ça la religion. Puisque le prophète n'a rien délaissé. Il a tout transmis son message. Il n'a quitté ce monde qu'après avoir transmis sa mission, avoir terminé sa mission et transmis le message de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. قال أبو العالية رحمه الله تعالى عليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. Donc ce grand imam qui est Abu al-Aliya رحمه الله a dit vous devez de vous cramponner, de suivre, de vous attacher à la sunna, à la tradition de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi étaient les compagnons, ses compagnons, radiallahu anhum, et attention, mise en garde, contre toutes ces passions, le suivi des passions, toutes ces passions, toutes ces innovations, car c'est ces passions qui a amené auprès des gens l'animosité et le détestement. Avant, ils étaient unis. Lorsque les gens ont commencé à inventer dans la religion d'Allah, à changer la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est ce qui a ramené l'animosité et le détestement. Qala sahib al-ibana, yani ibn Battah al-Ukbuli, rahimahullahu ta'ala, a'adhanallahu wa iyyakum min al-ara'i al-mukhtara'a, والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات وعن نظام إلى تفرق وعن أنس إلى وحشة وعن ائتلاف إلى اختلاف وعن محبة إلى بغضة وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعاداة وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. Ce grand imam qui est Ibn Battah, rahmahullah, nous dit dans son livre Al-Ibana, qu'Allah nous préserve, nous protège ainsi que vous, contre toutes les idées inventées, et contre toutes les passions suivies, et contre toutes les tendances innovées. Car les adeptes de ces tendances, de ces innovations, de ces passions, ils sont sortis de l'union vers la dispersion, et de l'ordre vers la division, et de la bonne entente vers le détestement, et de l'union à la scission, et de l'amour à l'animosité, et du conseil et des bons liens entre nous à la trahison et à l'animosité. Et qu'Allah nous protège, nous préserve, ainsi que vous, d'être adepte d'un nom ou d'une étiquette qui est en contradiction avec l'islam et la sunna. Et aussi un point important là-dessus. À l'époque du prophète, alayhi wassalam, les musulmans, on les appelait musulmans. Et il n'y avait pas lieu d'être, de mettre des distinctions. Si ce n'est qu'il y avait les croyants et les hypocrites. À l'intérieur des musulmans, il y avait les croyants, ce sont les véritables musulmans, et il y a les hypocrites, ceux qui faisaient apparaître l'islam, mais au fond, ils étaient mécréants, ils ne croyaient pas en l'islam, mais ce n'était qu'une apparence qu'ils donnaient. Puis, lorsque sont nés, après la mort du prophète, et le prophète en personne a mis en garde, il a prévenu que viendront des tendances. Les compagnons d'Allah Ta'ala anhum ont mis en garde contre ces tendances qui sont arrivées alors qu'ils étaient encore de ce monde. Et ils ont précisé Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna et du groupe. Puis, lorsque sont apparus des gens qui se prétendaient du Coran et de la Sunna, mais pas avec la compréhension des pieux prédécesseurs, les ulama de la sunna, de la droiture, sont entrés dans plus de précision. On suit le Coran et la sunna, pas avec n'importe laquelle compréhension, mais avec la compréhension des pieux prédécesseurs. Parmi les sahaba, les tabi'in et les tabi'in. Et de là vient le mot salafi. Salafi avec le ya, c'est le ya de l'affiliation. On est affilié au salaf. Pas une personne précise, on est affilié aux générations première, qui sont le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, puis leurs successeurs qui sont les tabi'in et leurs successeurs qui sont les tabi'in. C'était les premiers moments de l'islam dans sa clarté et dans sa pureté. Voilà le véritable islam. Et puisqu'on suit le Coran et la sunna selon la compréhension des plus prédécesseurs, donc de par là on est salafi. Et cette précision, il n'y a aucun mal là-dedans. Et il n'y a aucune honte à s'apparenter au salaf, parce que c'est la clarté et c'est le pur islam. Ce qui est honteux, c'est de s'apparenter à des choses innovées. De s'apparenter à des gens qui sont venus plus tard et qui ont innové dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme Jama'at al-Takfir, comme les frères musulmans, comme les Tablir, comme l'Ahbash, comme beaucoup de mouvements, c'est à titre d'exemple que j'ai ramené, les soufis, et ainsi de suite. Tout cela ne sont pas dans la droiture. Qu'ils aient des choses de bien ou pas, là n'est pas la question. La question, est-ce qu'ils sont clairement sur le chemin sur lequel était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, là est la vraie question. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs se sont divisés en 71 tendances, les chrétiens en 72, et cette communauté, la communauté musulmane, en 73. Ils iront tous en enfer, sauf une seule. On a demandé, c'est qui au message d'Allah? Il a dit, c'est le groupe. et dans une autre version, ceux qui sont sur le même chemin que moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc voilà le chemin de la droiture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous ai laissé sur un chemin droit, qui éclaire de jour comme de nuit. Ne s'en égare après moi qu'un homme voue à la perdition. Vous tous, vous entrerez au paradis, sauf celui qui ne veut pas. On a dit au messager d'Allah, mais qui ne veut pas entrer au paradis? Il dit, alayhi salatu wassalam, celui qui m'obéit entrera au paradis, celui qui me désobéit, c'est qu'il ne l'a pas voulu. Et Allah, tabaraka wa ta'ala, nous dit dans le Coran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, wa la tattabi'u subul, fatafarraqa bikum an sabilih. Donc dans ce verset, Allah nous dit dans le sens du verset, et voilà mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les autres chemins, car ils vous égareront de son chemin. Et dans un hadith, dans ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait droit sur le sable, et il a dit voilà le chemin droit, et il a tracé des petits traits à droite et des petits traits à gauche. Et dans un hadith, il est précisé 6 traits à droite et 6 traits à gauche. Il a dit, et il a mis son doigt sur le trait droit, et il a dit voilà le chemin d'Allah, et il a fait réciter le verset, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, voilà le chemin droit qu'il faut suivre, et ne suivez pas les autres chemins, et ces chemins, ces petits chemins à droite et à gauche, à la tête de chacun d'entre eux il y a un démon qui appelle. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est le chemin sur lequel était le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et le prophète sallam, avant même qu'il y ait les innovations, il a mis en garde contre les innovations dans beaucoup de hadiths. Et Rabb al-Alamin, subhanahu wa ta'ala, nous dit que celui qui invente dans la ruche d'Allah, a-t-il un associé? A-t-il donné à Allah un associé qui lui a légiféré dans la religion ce qui n'en fait pas partie? Am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah? Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? Voilà le danger de l'innovation, et l'innovation c'est pire que les péchés, et c'est pire que les grands péchés, car du péché, du grand péché, on s'en repent. La personne lorsqu'elle tombe dans un péché, il sait que c'est un péché, que ce n'est pas un bien, qu'il n'est pas en train de se rapprocher d'Allah par cette œuvre-là. Donc il y a des chances qu'il se repente à Allah tabaraka wa ta'ala, mais l'innovateur c'est tout le contraire, il pense être dans le bien, il pense se rapprocher d'Allah, alors qu'en réalité il ne fait que s'éloigner d'Allah, wal'iyadu billah. ثالثا الغضب troisièmement la colère. نعم وهو مدخل عظيم من مداخل الشيطان. Ah, et c'est un accès pour Shaytan parmi les grands accès. الغضب, la colère, puisque la colère, hein, la personne elle chauffe et elle n'est plus dans ses états, et chacun a le degré de colère qu'il a, mais souvent la personne, surtout la personne qui sont prises par des colères qui vont à l'excès, ils ne se maîtrisent plus et ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils disent. Et c'est qu'après avoir pris leur conscience qu'ils voient les conséquences, les mauvaises conséquences de cette colère. وَبَابٌ وَاسِعٌ يَصْطَادُ الشَّيْطَانُ فَرَائِسَهُ مِنْ خِلَالِهِ. Et c'est une porte grande ouverte que Shaytan profite pour atteindre la personne. لِأَنَّ الْغَضَبْ يُخْرِجُ الْإِنسَانَ عَنْ وَعِيهِ. Car la colère, elle fait sortir la personne de sa raison. فَيَفْعَلُ مَا لَا تُحْمَدُ عُقْبَهُ. Et il en arrivera à commettre, à faire ce que ne voudrait pas faire. On ne serait pas content des conséquences et du résultat. ثُمَّ يَنْدَمُ عَلَى ذَلِكَ. Puis après, eh ben, il regrette. Et c'est souvent ce qu'on voit. Une personne, une fois qu'elle a repris son esprit, hein, eh ben, elle regrette, en général, elle regrette ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit en temps de colère. Et c'est pour cela qu'un point important, lorsque vous voyez une personne en état de colère, laissez-la. Laissez-la se calmer. N'en rajoutez pas. Parce que de cette colère-là, va naître une colère encore plus grande. Et parfois, on peut être la cause des conséquences. On peut être la cause, on a poussé la personne à bout. On a poussé la personne à dire des choses. On a poussé la personne à faire des choses. Donc l'homme intelligent, lorsqu'il voit la personne en colère, elle la laisse. Ou alors elle l'exhorte pour se calmer. Une fois qu'elle est calme, et il y aura un autre moment meilleur, elle viendra peut-être s'expliquer ou lui parler. Mais lorsque vous voyez quelqu'un en état de colère, n'attendez pas grand-chose de lui. Il n'est pas dans ses états. Donc laissez-le tranquille. Plutôt, exhortez-le. Et dans la sunna, il nous est conseillé quoi? Lorsque tu es debout et tu es en colère, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'asseoir. Et lorsque tu es assis, tu t'allonges. Et tu sors et tu vas faire tes ablutions. Voilà. Parce que ça va te calmer. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Pour eux, l'homme, c'est qui l'homme? Il était allongé, il se lève. Ah, il faut qu'il se montre. Voilà. Pour eux, c'est ça. Là, subhanallah, c'est ce qui arrive. Hein? Pour lui, voilà, c'est ça. Il fait tout le contraire. Alors qu'en se levant, il ne fera qu'en rajouter dans le problème. Hein? Le fait de t'asseoir n'est nullement... Tu n'as jamais montré une quelconque faiblesse. Seulement tu as appliqué la sunna du prophète sans salam. Et quoi que pensent les gens, hein, regarde, subhanallah, quand l'autre il l'a provoqué, il s'est assis. Il dit ce que tu veux. Moi, alhamdulillah, si j'ai appliqué la sunna du prophète sans salam, et que j'ai fait ça pour plaire à Allah, tabaraka wa ta'ala, ça c'est pour la personne qui fait vraiment les choses pour Allah. Subhanallah. Il n'attend rien des autres. Et normalement, en tant que musulman, on doit remercier cette personne. Et on dit, alhamdulillah, qu'il y a encore des gens qui arrive à se maîtriser. Et donc l'homme, ce n'est pas celui qui montre ses bras. L'homme, c'est celui qui sait maîtriser sa colère. L'homme, c'est celui qui sait se maîtriser quand Shaitan, il essaie de le pousser à faire des choses. Et non pas celui qui répond à l'appel de Shaitan. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي رآه في حالة غضب وقد انتفخت أوداجه واحمر وجهه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant un homme qui était dans un état de colère jusqu'à ce que ses joues ont gonflé et son visage est devenu rouge en voyant lui. Parce que les gens ne sont pas pareils. Il y a des gens, lorsqu'ils sont en état de colère, ça ne se voit pas. Et il y en a, les pauvres, à la moindre colère, ça se voit sur le visage. Et donc cet homme-là, les joues gonflées et son visage était devenu rouge. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à certains de ses compagnons, en parlant de cet homme-là, إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رواه البخاري ومسلم. Et le hadith est dans le Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallam a dit, certes, je connais une parole. S'il venait à la dire, tout ce qu'il a, tout l'état qu'il a, il partirait. Il ne serait plus dans cet état-là qu'il dise A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Je demande à Allah la protection contre Satan le lapidé. Wa qala Ibn Rajab al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah madaha Allah man yaghfiru 'inda ghadabihi. Allah a fait les éloges de celui qui pardonne au moment de la colère. Fa qala ta'ala wa idha ma ghadibu hum yaghfirun. Dans le sens du verset, Allah dit, et lorsque ils sont en colère, ils pardonnent. لِأَنَّ الْغَضَبْ يَحْمِلُ صَاحِبَهُ أَنْ يَقُولَ غَيْرَ الْحَقِّ وَيَفْعَلُ غَيْرَ الْعَدْلِ. Car la colère, elle pousse la personne à dire autre que la vérité, à ne pas dire la vérité, et dans ses actes, à ne pas être juste. وعند ذلك تتنافر القلوب وتقع الشحناء عند الإسلام عند أهل الإسلام. Et vient, on découdra de cela que les cœurs seront éloignés. Ils s'éloignent les cœurs. Et c'est l'animosité qui viendra prendre la place chez les gens de l'islam. وعن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى عبد الله ابن عباس le cousin du prophète sallam رضي الله عنهما, lui il était musulman et son père, l'oncle paternel du prophète al-Abbas, il était aussi entré dans l'islam. Et c'est le petit cousin du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est le grand commentateur du Coran et le grand savant parmi les sahaba رضي الله عنهم. Il dit en expliquant ce verset, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةُ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Dans le sens du verset, et la bonne action n'équivaut pas à la mauvaise action, n'est pas l'égale de la mauvaise action. Repousse par ce qui est de mieux. Repousse par ce qui est meilleur. Et en faisant cela, celui envers qui il y avait une animosité entre toi et lui, il devient un fervent proche, un fervent allié. subhanallah, de par ce bon comportement. En réponse à ce mal qu'il t'a fait, tu as répondu par ce qui est meilleur. Par ce qui est meilleur, et en faisant cela, et c'est ce qui arrive souvent, lorsqu'on fait du bien aux gens, eh bien on les possède les gens, subhanallah. Si seulement les gens savaient. Donc ça ne sert à rien d'alimenter le mal par le mal, ou de répondre au mal par le mal. Savoir pardonner, et savoir repêcher la personne, en lui faisant du bien, jusqu'à ce que lui-même, hein, il revienne, il reprenne son esprit, et il comprend qu'il a fait une, il a commis une erreur, et avec cela, alhamdoulilah, tu as été la cause de ça, guidé, et de son retour à la vérité. Amar Allah al-mu'minin bis-sabr 'ind al-ghadab. Allah ordonne aux croyants de patienter lors de la colère. والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة. Et de faire preuve de bonté et de pardon au mal qu'on nous a fait. فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان. Lorsqu'ils viendront à faire cela, Allah les préservera de Satan. وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. Et leur ennemi se soumettra à eux comme si c'était un fervent allié. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, on s'arrête là, et puis Inch'Allah, après l'Isha, on terminera la deuxième partie de ce cours. Wa iyyakum.